بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours dans la lecture de l'écrit de l'imam du Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah concernant les règles de la prière du Eid. On est arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit Sifatu khutbatil Eid, la description de la prière du Eid. Excusez-moi, la description du sermon du Eid. La description du sermon du Eid. Donc on avait fait précédemment la description de la prière et maintenant le sermon. Fa idha sallama min as-salah khataba khutbatayn yajlisu baynahuma. Et donc lorsque l'imam a fini la prière, il va donc prononcer deux sermons et va s'asseoir entre les deux sermons. Et donc ça, c'est en réalité, c'est un avis parmi les avis des gens de science. Il y a certains des gens de science qui disent que la khutbah de Eid se compose de deux sermons, comme le cheikh vient de le dire. Et il y en a d'autres qui disent que non, c'est un seul sermon. C'est un sermon pour la khutbah du Eid. Et donc ici, il continue le shir, il nous donne donc son argumentation. Lima rawa Ubaydullah ibn Utba qal as-sunnatu an yakhtuba al-imam في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس رواه الشافعي. Et donc la preuve est ce qu'a rapporté Ubaydullah ibn Ubaydillah ibn Utba qui dit que la sunna est que l'imam fasse un sermon qui se compose de deux sermons durant la prière du Eid. Et il va donc s'asseoir entre les deux sermons. Donc l'imam prononce un discours composé de deux sermons. Et donc cela a été rapporté par Al-Shafi'i. Et donc effectivement, ce texte, on le trouve donc dans le Mousnad de l'imam Al-Shafi'i. Sauf qu'il y a un problème, c'est que Ubaydillah ibn Utba est un tabi'i. C'est pas un sahabi. C'est un tabi'i, il fait partie des fuqara al-saba'a. Des sept grands juristes. Et donc à partir de là, ce hadith, il est mursel. Là, c'est pas comme un compagnon qui nous dit la sunna. Là, c'est un tabi'i qui nous dit la sunna. Et donc ici, ce hadith est faible. Mursel, c'est-à-dire un compagnon, un tabi'i qui attribue une parole ou un acte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas l'accepter car il manque un maillon dans la chaîne de transmission. Ensuite, il dit le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah wa ibn Majah an Jabir khataba qa'iman thumma qa'ada qa'datan thumma qam. Et donc, Ibn Majah, qui rapporte d'après Jabir, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé un sermon, il était debout, puis il s'est assis, puis il s'est remis debout. Donc, on a deux sermons. Et ce hadith-là aussi, il est faible. C'est pour ça que l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit « Lam yathbut » في تكرير الخطبة شيء. Il n'y a aucun texte qui soit authentique concernant le fait de répéter le sermon pour le Eid. Il n'y a aucun texte qui soit authentique concernant le fait de faire deux sermons du Eid. Il n'y en a pas. Il nous dit la seule base qu'il y a dans cela, ça va être l'analogie avec la prière du Jumu'ah. L'analogie avec la prière du Jumu'ah. Mais est-ce qu'il y a un texte authentique qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Voilà pourquoi le cheikh, le très savant Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, si on demande, qu'est-ce que la sunna concernant le sermon du Eid? La réponse, donc ça c'est Cheikh Ibn al-Uthaymin, la réponse, la sunna concernant le sermon du Eid est de faire un sermon. Mais si l'imam fait deux sermons, alors il n'y a pas de mal. Mais il faut spécifier un moment pour les femmes. Parce qu'en fait, ce qui a été rapporté, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le jour du Eid, il a fait un sermon. Et ensuite, il s'est dirigé vers les femmes et a fait un rappel aux femmes. Mais il n'y avait pas deux sermons. Il a fait un sermon et ensuite il s'est dirigé vers les femmes et il a fait un rappel aux femmes. Et donc le cheikh Ibn al-Uthaymin, il dit la sunna c'est un sermon. Mais si l'imam fait deux sermons, alors il n'y a pas de mal. Par contre, il est important que l'imam, il profite pour faire un rappel aussi aux femmes. Et ensuite, le cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il continue donc à argumenter, et là, il nous dit « wa fi sahih ». Et donc là, dans « as-sahih », ce qui est voulu ici, donc, « al-Bukhari » et « muslim » d'ailleurs. « Bada'a bis-salati, thumma qama mutawakki'an ala Bilal, fa'amara bitakwallahi wa hatha ala ta'atihi al-hadith ». Et donc, dans ce hadith, qui est dans « as-sahih », alors là, il est stipulé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par la prière. Puis, il s'est levé en s'appuyant sur Bilal. Et il a ordonné de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et a incité à lui obéir. Et donc, ainsi de suite jusqu'à la fin du hadith. Taïb. Et donc ici, dans ce hadith-là, celui qui est authentique, il n'y a pas été cité qu'il y a deux sermons. Voilà pourquoi la vie le plus juste, inshallah ta'ala, dans ce sujet, c'est que la khutba du Eid, ici, comme l'a dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin, la sunna c'est un sermon, mais si l'imam il fait deux sermons, il n'y a pas de mal. Wa li muslimin thumma yansarifu fayakumu muqabila an-nas wan-nas julusun ala sufufihim wa yahuthuhum fi wa yahuthuhum في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر ويبين لهم أحكامها. Et dans le recueil de muslims, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finit la prière, puis quand il finit, ثم ينصرف, c'est-à-dire quand il finit la prière du Eid, alors là il se tient debout en face des gens et les gens sont assis à leur place dans les rangs et l'imam donc il les incite. Donc, durant le sermon du Eid lié à la rupture du jeûne, il les incite concernant le fait de s'acquitter de l'aumône liée à la rupture du jeûne. Et il leur explique les règles de cela. وَمِنْ حَيْثُ مِقْدَارَهَا أَوْ مِقْدَارِهَا وَوَقْتِ إِخْرَاجِهَا وَنَوْعِ الْمَخْرَجِ فِيهَا. Et donc, ici, l'imam, donc, il va expliquer aussi donc, quelle quantité et à quel moment les gens ils doivent s'acquitter de cette aumône. La quantité, le moment et aussi de quel type donc, d'aliments les gens ils peuvent utiliser pour cette aumône. وَيُرَغِّبُهُمْ فِي خُطْبَةِ عِيدِ الْأُضْحَى فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَةِ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ أَحْكَامَهَا. Et concernant le sermon qui est lié au Eid du sacrifice, alors là, l'imam, il incite les gens à faire ce sacrifice et leur explique les règles. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي خُطْبَةِ الْأُضْحَى كَثِيرًا مِنْ أَحْكَامِهَا. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant le sermon lié au sacrifice, il a expliqué beaucoup des règles de cet acte d'adoration. Wa hakadha. ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير. Et donc c'est ainsi que tous donc les imams qui vont faire les sermons, ils se concentrent, concernant les sermons, ils se concentrent sur les événements. Et donc ils vont expliquer aux gens, ce dont ils ont besoin concernant ceci, donc les événements, le Eid lié à la rupture du jeûne, le Eid lié au sacrifice, ainsi de suite. Et il va donc, à tout moment, en fonction de la situation, il va donc leur recommander aux gens la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et aussi il va exhorter les gens et leur faire le rappel. La siyama fi hadhihi al-majami' al-'azima wal munasabat al-karima, particulièrement dans ces grands rassemblements que nous avons à notre époque, il est important que l'imam il conseille aux gens ce dont ils ont besoin. L'imam doit donc regarder ce qu'il y a comme problème dans la communauté musulmane. Et c'est là qu'on arrive à un principe fondamental, c'est que l'enseignant, l'imam, le prédicateur, l'étudiant en sciences, tous ceux qui vont avoir un rôle dans l'enseignement, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent enseigner aux gens ce dont ils ont besoin, pas ce que les gens veulent. Parfois, les gens, ils veulent, « Ah, moi, je veux ci, je veux ça, je veux étudier telle chose, telle chose. » Le prédicateur, lui, son rôle, ce n'est pas de donner aux gens ce qu'ils veulent, mais c'est de donner aux gens ce dont ils ont besoin. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fa innahu yanbaghi an tudman al-khutba bima yufidu al-mustami' wa yudhakkiru al-ghafil wa yuallimu al-jahil. Subhanallah. Wa yuallimu al-jahil. Et donc il est convenable que la khutba soit composée de ce qui est profitable à celui qui l'écoute et qui sera un rappel pour l'insouciant. Les gens, ils sont dans une insouciance. Et c'est pour ça que c'est important, barakallahu fikoum, que les gens de la sunna, que les salafis, ils s'efforcent d'avoir une mosquée. Et qu'ils s'efforcent de pouvoir faire les sermons du Eid. Pourquoi? Parce que les sermons du Jumu'ah et les sermons du Eid, ce sont des sermons où les gens de la masse vont venir écouter. Nous, aujourd'hui, on fait des cours, on fait des séminaires. Merkez al-Furqan, séminaire, Abdul Karim ou autre. Tayyib. Qui va venir? Ce sont les gens qui ont entendu parler de la salafia ou les gens qui connaissent la salafia, etc. Et c'est eux qui vont venir. Et les autres? Les autres qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore entendu parler, ou alors ils entendent que ce qu'on voit dans les médias, salafi, méchant, ouh, ils ne rigolent pas ces gens-là, ils ont une barbe et ils sont durs. Ces gens-là, comment on fait pour leur montrer la sunna? Ce sont des sermons. Le sermon du vendredi, les gens de la masse, ils viennent à la mosquée. Et là, l'imam, il explique aux gens la sunna. Ou alors, on a notre mosquée, et l'imam, il donne des cours après la salat. Les gens, ils viennent, ils assistent à la prière. Après la prière, un petit rappel de 5 minutes. Et les gens, ils apprennent la sunna comme ça. Et c'est pour ça que c'est important, barakallahu fikoum, que nos frères, les jeunes de Bruxelles, ils s'efforcent afin que les salafis aient une mosquée ici, quand même. Une. C'est très important pour prêcher les gens, pour expliquer aux gens la vérité. Surtout que les awam, ils accordent une grande importance à la salat al-jumu'ah. Subhanallah. Même pendant le Covid, les gens ils se battaient pour aller à la mosquée. Ils se battaient pour aller à la mosquée pendant le Covid. Il n'y avait pas de place dans les mosquées parce qu'il fallait laisser de l'espace entre chacun. Les gens, ils priaient dehors. Ils venaient. Et donc, si c'est un imam qui explique aux gens la sunna, ça sera très profitable aux gens. Donc, d'où l'importance, barakallahu fikoum, de ne pas rester là, passif, à regarder ce qui se passe, sans participer. C'est important, barakallahu fikoum. Moi, je ne suis pas belge, je ne peux pas faire le travail à votre place. وينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق بيانه. Et il est convenable que les femmes participent à la prière du Eid comme cela a été expliqué précédemment. وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد. Et il est important, il est convenable que un conseil, donc des conseils leur soient donc prononcé aux femmes de manière spécifique pendant le sermon du Eid. لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que les femmes n'ont pas entendu le sermon, il s'est dirigé vers les femmes et il a exhorté les femmes, il les a incitées à dépenser en aumône. Et c'est ainsi que nous devons faire, nous devons donc avoir donc une part du sermon du Eid qui est dédié aux femmes. لِحَاجَتِهِنَّ إِلَى ذَلِكَ. Et ceci à cause du besoin des femmes. Les femmes, elles ont besoin qu'on leur fasse leur appel, tout comme les hommes. On ne peut pas donc rester là, enseigner aux hommes, faire leur appel aux hommes, et on délaisse les femmes. Tout le monde a besoin de profiter du rappel. Tout le monde a besoin de profiter de l'apprentissage de la religion, comme on a vu dans les cours concernant la réforme de la société. وَاقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et tout cela en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il aborde un autre sujet, at-tanaffulu qabla salati al-Eid wa ba'daha. Et donc les prières surérogatoires avant la prière du Eid et après celle-ci. Il dit rahimahullah, wa min ahkami salati al-Eid annahu yukrahu at-tanaffulu qablaha wa ba'daha fi mawdi'iha hatta yufariq al-musalla. Et donc, et parmi les règles, parmi les jugements de la prière du Eid, le fait qu'il est détestable d'accomplir des prières surérogatoires avant celle-ci et après celle-ci sur le lieu de la prière du Eid. Sur le lieu de la prière du Eid. Jusqu'à ce que la personne sorte de ce lieu de prière. لِقَالِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدِ فَصَلَّ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. En se basant sur la parole d'Ibn Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour la prière du Eid et il a accompli deux unités, donc c'est les deux unités de la prière du Eid. Il n'a rien prié avant ces deux unités et rien après elles. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. وَلِأَنْ لَا يَتَوَهَّمْ أو لأن لا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها. Et c'est aussi pour qu'on ne pense pas qu'il y a une prière surérogatoire qui soit liée à la prière du Eid avant ou après. قال الإمام أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. L'imam Ahmed il dit que les gens de Médine, ils ne font pas de prière surérogatoire avant la prière du Eid, ni après celle-ci. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils arrivent à la Moussalla, c'est qu'ils font leur appel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ils prônent la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la pureté d'Allah Azza wa Jal. Mais ici, ils ne vont pas faire de nawafil, de prière surérogatoire. Wa qala az-Zuhri, lam asma' ahadan min ulama'ina يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها وكان ابن مسعود رضي الله عنه وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. Et donc Az-Zuhri, l'imam Az-Zuhri rahimahullah, il dit, je n'ai entendu aucun de nos savants citer qu'un seul parmi les pieux prédécesseurs de cette communauté priait avant, accomplissent une prière avant la prière du Eid, ni même après celle-ci. Et d'ailleurs, Ibn Mas'ud ainsi que Huzayfa, radiallahu anhuma, les deux, ils interdisaient aux gens de faire des prières, d'accomplir des prières avant la prière du Eid. Et donc ça, c'est lorsque la prière, barakallahu fikoum, elle est accomplie dans un autre espace que la mosquée. Lorsque la prière, elle est faite à la mosquée, le fidèle, il arrive, il y a tahiyatul masjid. Il arrive, il y a tahiyatul masjid, donc la prière de salutation. Et donc là, ce n'est pas une prière qui va être accomplie, ce ne sera pas une prière liée à la prière du Eid, mais elle sera liée au fait que la personne est rentrée dans une mosquée. Ensuite, il continue le Cheikh Al-Fawzan, il dit فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ. Et lorsque la personne retourne chez elle, alors là, il n'y a pas de mal à ce qu'elle prie chez elle. Donc une prière surrogatoire à la maison. On a dit, sur le lieu de prière du Eid, c'est là qu'on ne prie pas. Par contre, quand tu rentres à la maison, il n'y a pas de mal. لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. Ceci en se basant sur ce qu'a rapporté l'imam Ahmed et d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait dans sa demeure, il priait, il accomplissait deux unités. Wa yusannu liman fatatahu salatul Eid aw fatahu ba'daha qada'uha ala sifatiha. Il est recommandé pour celui qui a raté la prière du Eid ou alors qui a raté une partie de celle-ci de la rattraper en respectant les caractéristiques de cette prière. بِأَنْ يُصَلِّيَهَا رَكْعَتَيْنِ. La personne va donc prier deux unités. بِتَكْبِيرَاتِهَا الزَّوَائِدِ. En faisant tous les takbirats qui ont été rajoutés spécialement pour cette prière. لِأَنَّ الْقَضَى يَحْكِ الْأَدَى. Car le fait de rattraper la prière se fait comme la prière quand on l'a fait à son temps, quand on l'accomplit à son temps. La prière quand on l'accomplit à son temps, donc au moment où elle est accomplie, on va faire toutes les takbirat. Et bien pareillement, lorsqu'on rattrape cette prière, on va faire toutes les takbirat. وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. Et aussi en se basant sur la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous avez pu atteindre de la prière, alors accomplissez-le. Mais ce que vous avez raté, alors rattrapez-le. فَإِذَا فَاتَتْهُ رَكَعَةً مَعَ الْإِمَامِ اضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى. Et donc si la personne elle a raté une unité avec l'imam, elle va donc rajouter une autre unité lorsque bien entendu l'imam a fini la prière. وَإِنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ جَلَسَ لِاسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ فَإِذَا انْتَهَتْ صَلَّاهَا قَضَاءً. Et donc si la personne arrive alors que l'imam est en train de faire le sermon, alors la personne s'assied. Elle ne commence pas à prier, elle s'assied pour écouter le sermon. Et lorsque le sermon est terminé, alors là, la personne fait sa prière et rattrape donc la prière du Eid. وَلَا بَأْسَ بِقَضَائِهَا مُنْفَرِدًا أَوْ مَعَ جَمَاعًا. Et il n'y a pas de mal à rattraper cette prière seule ou en groupe. Incha'Allah ta'ala, et voilà pour le cours d'aujourd'hui. On termine ce sujet demain, incha'Allah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.